des cris dans le silence, des images de violence, trop de sang versé, sans regret, et beaucoup de médailles accrochées. Je veux croire au futur, faire tomber tous les murs à l'existence d'un monde qui avance et que chacun accepte nos différences. Les armes de l'enfance, ils ont perdu l'innocence. Trop de haine réfugiée dans leur cœur pour apprécier le plus simple des bonheurs. Les larmes, ils n'en ont plus. Sont-ils vraiment perdus? Et le temps dans ce danger s'efface. L'avenir si fragile nous menace. Reste que des cendres après tous ces combats. Et moi je cherche à comprendre, mais je n'y parviens pas. Il ne reste que des cendres après tous ces combats. Et moi je cherche à comprendre, mais je n'y parviens pas. Connaissent la vérité sur ce qui s'est réellement